La vaisselle est encore scrapée. Je vais être obligé de nettoyer à la main. Comme jadis faisait ma grand-mère. Comme jadis faisait sûrement pour mon grand-père. Comme jadis faisait mon grand-père, comme jadis faisait sûrement pour ma mère.